C'est ta mère, là, sur la photo. Oui, c'est elle, à l'âge de 25 ans. Et à côté, c'est ton père? Non, lui, c'est mon oncle. Et ses jumeaux, ce sont tes cousins? Non, eux, ce sont des amis d'enfance. Elle, c'est Julie, et lui, c'est Arthur. Ils ont l'air sympas.